Frérot, j'avais 13 ans, j'allais voir mon frère en prison. Lui n'en avait 16 et il vendait déjà la cesse. Dans la rue y'a peu d'amis, bah ouais, Popo il avait raison. On veut changer d'horizon, vaut mieux perdre la vue que la raison. Faire place, je faisais les 400 coups depuis tout petit marmot. J'allais voir le poteau Siabou et le Zincoutris, la Rhmo. C'est vrai que j'étais beau gosse, mais j'étais pas fait par le mannequinat. J'préférais vendre du matos, demande au poteau qui m'a. Alhamdoulilah, toujours la foi, on a fait l'école arabe. On traînait toujours à droit, on était plus que des sraps. Y'avait Khaled, Saber et Wam, vu que Souleymane s'était calmé. C'était mis à fond dans l'islam, comme monsieur Kambou sur Dramé. Tous les anciens étaient cramés, les trois quarts étaient camés. Ils ont tous fini condamnés, dizaines, vingtaine, trentaine d'années. J'ai acheté mon premier gomcoil, ouais, d'Awa fallait s'armer. J'me cravais du shit à l'école et j'avais trois carnets. Pour les absences, pour les remplois et pour les heures de colle, j'roulais des joints devant mes voisins au bled qui chutent à la colle. Commencé mes premiers flirts, puis j'ai goûté à l'alcool. Oh meuf, j'offrais pas des fleurs, mais de l'air pour qu'on décolle. Arrivé à 16 ans, j'ai connu le monde de la might. Les biatchs, les deux bois d'Awa, j'sentais le Fahrenheit. 17 ans, ça y est, j'bibi la CC. J'ai même pas le permis, j'achète un 206 CC. Et puis là, ça commence les vrais problèmes. Dans ma tête, c'est Los Angeles. Le stress, les descentes, même si sont 30, je reste. Première base, dos, cheer. Sur un gars de Jaurès. Dans ma tête c'est le Far West. Moi je cours pas, je suis pas Forest. Bien sûr que j'ai les cojones. Y'a que le Z qui m'intéresse. La majorité, les grands de la cité m'avance des kills. Je me débrouille, je magouille des armes et j'ai du liquide. J'suis toujours là quand y'a Haja, quitte à finir chez la chape. Je te commence par une tarcha, je te termine par un crachat. Je fume en vie comme un pacha, j'ai un putain de pouvoir d'achat. Y'a de verre comme Raja, j'arrête ça vient une attacha. Le palais, mandat des beaux, bâtiment des 4. En promenade, je rêve que de grenades, d'hélico et de C4. Je veux pas voir le psychiatre, je veux pas finir SMPR. Je compte pas sur l'avocat, mais sur Seigneur et mes prières, j'suis libérable immédiat. Après 6 jours de cachot, j'en avais pris 10. Tranquille, je les ai niqués, c'est facho. J'ai fait que 2 mois à pépère, j'ressors 10 fois plus d'éther. La seule vraie chose que je regrette, c'est d'avoir fait pleurer ma mère. J'ai 20 printemps, j'ai plus de temps pour les histoires de merde. J'ai le 182 temps, j'fume la frappe ta VR. J'passe le chinois caché de Jard, t'as dit dans sa Dolce Gabbana. Avec Alain Fredo Veille, j'pars en vacances à Punta Cana. Fais pas le fou, fais pas ton malin, j'traîne en dessous et RB Valin. De belles villes, j'suis la mascotte, on m'a mis sur un pied des stalins. J'veux l'Allemagne à ta biftanen, j'fais du buff et j'me la ramène. J'pars au star pour la deuxième fois. Là je tourne avec Souka Jam. Je vais pas te faire un dessin, on est loin d'être des saints. Tout le monde nous prend pour des zincs, on a retourné le dessin. Des coups de casserole par la fenêtre pour finir 2005. Des abattages de dingue, t'as beau faire 3m5. Ceux qu'on voulait jouer les gros mazes ont fini chez le médecin. Pourtant on était pas des casse-couilles, on était des mecs simples. Comme une étoile je fais pour briller, à ma sortie je dois faire des billets. Joie 2000 si je quitte enfin cette putain d'avenue des peupliers. Frérot j'avais 13 ans, j'allais voir mon frère en prison. Lui n'en avait 16 et il vendait déjà la cesse. Dans la rue y'a peu d'amis, bah ouais, Popo il avait raison. On veut changer d'horizon, vaut mieux perdre la vue que la raison.